la rue s'allume. Je rentrerai pas, tellement de brume au fond de moi, dans ce bistrot de passage, y a que des gens de passage. Ça rit, ça gueule, ça bricole, ça boit, ça joue, ça rigole, oui, mais y a rien derrière le visage, y a pas d'oreille de message. Alors je parle à mon verre, qui sait comprendre et se taire. Si je vis, c'est pour elle. Tout ce que je fais, tu vois, c'est pour elle. Je suis comme un chien qui court sous la pluie, pour la défendre, la mettre à l'abri. Mais même que si tu la voyais, bien sûr que tu comprendrais de me crucifier pour cette étoile, même si elle trouve ça normal. Si je vis, c'est pour elle. Si je respire, c'est pour elle. Si je me lève tôt, si je passe des nuits blanches, c'est pour qu'elle soit belle le dimanche. Si je ris, c'est pour elle. Même si je rêve, dans mes idées, il est trop tard, je n'ose pas rentrer dans ce bistrot de passage, y a plus vraiment de passage, sauf le passage d'une serpillière. Sauf que je cause toujours à mon verre, sauf que ça sent l'eau de Javel, sauf que si je bois, c'est pour elle. Sauf qu'elle m'a dit ce matin que tout ce que je fais, c'est pour rien. Si je vis, c'est pour elle. C'est pour elle. Si je travaille dur à me briser les mains, c'est pour qu'elle soit mieux, qu'elle soit bien. Si je ris, c'est pour elle. Même si je rêve, c'est pour elle. Pas comme tu crois pour qu'elle dise merci, même si c'est sûr qu'elle. C'est pour elle.